Bonjour et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 29 juillet 2024. Bélier, avec Mars et Jupiter en Gémeaux et le Soleil en Lion, vous avez une armada d'atouts pour foncer sans hésitation. Alors profitez de cette énergie pour briller et accomplir de grandes choses. Côté relations, vous avez la fâcheuse habitude de vouloir imposer votre point de vue. Soyez plus cool. Taureau, selon Jupiter et le Soleil, vous avez envie de faire exploser le budget vacances et de vivre au-dessus de vos moyens. Prudence. Côté relations, vos relations ne sont pas au beau fixe, entre disputes et incompréhensions. Cibez donc les malentendus pour ne pas vous éloigner de l'être cher. Gémeaux. Mars et Jupiter en Gémeaux sont appuyés par le Soleil en Lion. Vous bénéficiez donc d'une grande capacité de persuasion. Profitez-en pour rallier les troupes. Côté relations, vous ne changez pas d'avis facilement, même quand vous n'êtes pas totalement au fait du sujet. Tâchez donc de regagner en souplesse. Cancer, ce week-end, place aux bonnes affaires. La nouvelle lune peut avoir un impact positif sur vos projets financiers. En vacances, c'est le bon moment de marchander, par exemple. Côté relation, Vénus vous fait douter de vos envolées romantiques et vous avez peur de vous brûler les ailes un petit peu. Alors attendez un petit peu et reprenez confiance. Lion, dès cette semaine, les astres vous gonflent d'un sacré culot. Alors préparez déjà vos plans pour la semaine suivante, vous serez gagnant. Côté relation, Vénus et Uranus vous promettent un coup de cœur ou un rapprochement. Alors ravivez les couleurs de vos amours. Vierge, vous manquez d'enthousiasme, le soleil vous tourne le dos, changez d'environnement ou essayez une activité qui vous passionne. Côté relation, c'est complexe. Misez sur ce week-end pour laisser de côté vos différends. La communication et le respect sont essentiels pour apaiser les esprits. Balance. Le soleil en lion renforce votre assurance. Mars en gémeaux vous permet de jongler avec les tâches. Profitez donc de cette dynamique pour explorer. Côté relations, les discussions animées et les échanges d'idées sont votre terrain de jeu favori. Recevez du monde, l'amitié est mise à l'honneur cette semaine. Scorpion, vous n'avez pas envie de mettre la main à l'ouvrage dans votre vie privée et professionnelle. Oui, les vacances vous appellent, c'est certain. Amusez-vous à vos heures, décompressez. Côté relations, Vénus en Lion vous rend plus impatient, nerveux, parfois capricieux. Sachez donc reconnaître vos torts et ne gâchez pas tout. Sagittaire, Jupiter vous ouvre la voie du succès. La nouvelle lune de feu vous exalte ce dimanche. Notez vos bonnes idées, ne dormez pas sur vos lauriers. Côté relation, votre esprit est chiffonné par quelques tracas relationnels. N'oubliez pas que c'est l'été. Mettez donc de côté les émotions négatives. Capricorne, Uranus et Neptune vous inspirent. Vos idées semblent même avoir une longueur d'avance sur les autres. Laissez donc votre génie s'exprimer librement. Côté relation, Mercure vous offre des moments complices avec des amis proches. Célibataire, en amour, passez votre tour. En duo, vous êtes assez distant. Verseau, Mars vous tonifie. Profitez de l'été pour vous lancer dans de nouvelles activités. En sport, assurez-vous de ne pas trop en faire, surtout si vous débutez. Côté relation, Vénus réchauffe votre cœur. Regardez dans les yeux de l'être aimé, vous sentirez cette connexion électrique qui vous unit. Poisson, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas la forme. Privilégiez donc les vacances et sinon les activités relaxantes, le soir et le week-end. Côté relations, selon Mars et Jupiter, vous vous décarcassez pour la famille, mais finalement, c'est vous qui avez besoin d'aide. Sachez exprimer également vos besoins. Voilà, prenez bien soin de vous. Votre horoscope de la semaine est terminé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles prévisions.